De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Aujourd'hui, dans la chronique de l'huile dans les rouages, nous retrouvons Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Pour cette première chronique de cette série, tu veux nous parler des émotions. Oui, les émotions qui ont un rôle central dans la communication. On ne s'en rend pas toujours compte. Ah, il y en a des émotions, mais une émotion, c'est quoi? Comment tu définis ça? Alors, une émotion, c'est une réaction involontaire à une information. Elle précède de toute analyse, c'est vraiment quelque chose de très direct. Spontané. Voilà. On ne réfléchit pas. Voilà, ça dure. C'est quelque chose qui n'est pas censé durer. Dans la vraie vie, ça dure parce qu'on la stimule en fait. Alors d'où ça vient le mot émotion? Alors ça vient du latin movere, qui veut dire le mouvement, et le préfixe ex, vers l'extérieur. Donc c'est un mouvement vers l'extérieur, de l'intérieur de nous vers l'extérieur. Et qu'on ne maîtrise pas toujours. Qu'on maîtrise en fait rarement, jamais. On peut être conditionné après dans l'éducation à le maîtriser et à les étouffer même. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est dans une des parties les plus anciennes du cerveau et qui doit être rapide parce qu'elles ont leur fonction. Alors à quoi ça sert? Eh bien, les émotions, ça sert à notre survie, figure-toi. C'est là pour nous faire savoir que des besoins sont remplis ou pas. Quand j'ai une émotion agréable, comme de la joie, de la sérénité, c'est que des besoins fondamentaux ont été remplis. Alors que quand j'ai des émotions désagréables, comme la tristesse, la peur, la colère ou le dégoût, eh bien, c'est qu'il y a des besoins en moi qui n'ont pas été remplis. Et ces besoins, ils sont fondamentaux, ils sont universels. Et donc, c'est important qu'on ne se sente pas bien pour avoir envie de changer quelque chose. Et ça peut se maîtriser, des émotions? Alors, oui, je préfère le mot maîtriser que contrôler. Oui. Parce que j'ai l'image souvent d'une vague sur laquelle on surfe, plutôt qu'on veut traverser et couper. Si je veux aller en bateau d'un point A à un point B, si je lutte contre les éléments et je veux contrôler les choses, je risque fort de chavirer. Mais si j'accepte d'utiliser le vent, d'utiliser les courants, eh ben, je vais faire quelques zigzags, mais je vais quand même arriver à destination. Donc, elle s'accompagne, on fait avec, et en fait, elle s'accueille plutôt qu'on essaye de les contrôler. Voilà, il y en a des bonnes, des émotions, il y en a des beaucoup moins bonnes. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que justement, on sorte de l'idée de bon et pas bon, et qu'on préfère les mots agréables ou désagréables parce qu'en réalité, elles sont toutes bonnes et même utiles et même nécessaires. C'est super important de s'autoriser à les ressentir, de ne pas s'en empêcher et du coup d'être bienveillant avec soi-même et avec ses propres émotions. Bref, elles sont là pour nous aider. Merci. Merci Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.